si je meurs. Bismillahir Rahmanir Rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Donc on va lire inshallah une muhadara, c'est-à-dire une conférence de Cheikh Saleh Al-Fawzan qui a été mise à l'écrit dans le recueil de ses conférences qui s'appelle Muhadarat fil aqidati wa da'wa, qui est en trois volumes. Donc cette conférence, elle avait pour titre Tadabbur al-Qur'an, c'est-à-dire le fait de méditer le Qur'an. Donc il dit Cheikh, après avoir dit loué Allah Azza wa Jal, Amma ba'd fa inna akbara ni'matin akram Allah biha hadhihi al-ummata hiya bi'athatu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa inzalu al-Qur'an al-Karim alayhi li hidayati an-nas wa tabsirihim wa tadhkirihim bima yanfa'uhum fi ad-dunya wal-akhirah. Il dit, le plus grand bienfait par lequel Allah a honoré cette communauté, c'est d'avoir envoyé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et d'avoir descendu avec lui le Qur'an pour guider les gens et pour leur rappeler, c'est-à-dire leur rappeler Allah et leur rappeler tout ce qui leur sera utile ici-bas et dans l'au-delà. فالقرآن كلام الله حروفه ومعانيه. Donc le Coran, c'est la parole d'Allah, ses lettres et ses significations. C'est-à-dire, on doit croire que, donc là, petite parenthèse, les deux sont de la parole d'Allah. C'est pas simplement, le Coran n'est pas qu'une signification que, par exemple, Jibril aurait traduit. Ou alors Allah, il aurait créé une parole qui traduirait ce qu'Allah pense au fond de lui, comme ils disent les gens de la spéculation, mais le Coran, c'est ce qu'Allah a prononcé. Donc le Coran, c'est sur des paroles qu'Allah a prononcées. Donc ce ne sont pas seulement des significations qui sont à Allah et qui ont été traduites par des mots, par sa créature, qu'il aurait traduit des mots. Non, il aurait créé des mots qui traduisent ce qu'il pense. Non, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal. Il a parlé par des mots, par des sons et par des lettres. Munazzalun ghayru makhluq. Le Coran, il a été descendu et il n'a pas été créé. C'est-à-dire le Coran, qui est la parole d'Allah, ce n'est pas une création d'Allah. C'est pas quelque chose qu'Allah il a créé, d'une parole qu'il a créée, c'est ce qu'il a dit. Et Allah il est incréé, sa parole elle est incréée. Minhu bada wa ilayhi ya'ud. Le Coran commence de chez Allah et il revient chez Allah. C'est-à-dire c'est Allah qui a prononcé le Coran. Et toute personne maintenant qui lit le Coran, il ne fait que répéter ce qu'Allah a dit. Wa ilayhi ya'ud. Et il reviendra vers Allah, c'est-à-dire il fait allusion au hadith qui dit que à la fin des temps Allah il élèvera le Coran. C'est-à-dire le Coran ne sera plus présent dans les livres ni dans les poitrines des hommes à la fin des temps. Wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna min al-mundhirin bi lisanin arabiyyin mubin fihi al-huda wan-nur. Donc il dit, il cite un verset qui, dans lequel il est dit, c'est une descente, quelque chose qu'Allah Rabbul Alamin, le Seigneur de l'univers, a fait descendre, c'est l'esprit de confiance, c'est-à-dire Jibril, qui est descendu avec, sur ton cœur, pour que tu sois parmi ceux qui avertissent, dans une langue arabe claire. Donc, Cheikh dit, dedans, il y a la guidée et la lumière. قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. Et aussi, Allah, il a dit, dans Surat Al-Furqan, que soit élevé celui qui a fait descendre le discernement. C'est-à-dire, il a nommé le Coran Furqan, quelque chose qui discerne sur son serviteur pour qu'il soit un avertisseur pour les mondes, l'alamin, c'est-à-dire tout le monde. فَهُوَ كِتَابٌ عَالَمِيٌّ لِجَمِيعِ الْبَشَرِ بَلْ لِلْجِنِّ وَالْإِنسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. Donc c'est un livre universel pour tous les êtres humains et même pour les djinns, qui annonce la bonne nouvelle et qui avertit contre le châtiment. سمعه الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. Les djinns, ils ont entendu le Coran récité par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et comme Allah il a dit à propos d'eux, ils ont dit, nous avons entendu un Coran étonnant, une lecture étonnante, qui guide à la droiture, et nous y avons cru, et nous n'associerons personne à notre Dieu. Donc ça, c'est-à-dire les djinns qui étaient présents à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qui se sont convertis. Wa qala ta'ala, alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi al-kitab, ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا إلى آخر الآيات. Et dans la sourate Al-Kahf, il est dit, la louange est à Allah qui a fait descendre sur son serviteur le livre et qui n'y a pas mis de déviance, عوجا, quelque chose de tordu. Un livre droit pour qu'il avertisse d'un douloureux châtiment de sa part, c'est-à-dire de la part d'Allah, et qu'il donne nouvelle aux croyants, il leur donne une bonne nouvelle à ceux qui font les bonnes actions, qu'ils auront une bonne récompense dans laquelle ils seront éternels, c'est-à-dire le paradis, et qu'il avertisse ceux qui disent qu'Allah a un enfant. C'est-à-dire des versets qui montrent que Allah il a descendu le Coran, et que ce Coran il donne la bonne nouvelle aux croyants, et il avertit les mécréants. عليكم السلام. وقد وصف الله سبحانه وتعالى هذا القرآن الكريم بأوصاف عظيمة. فقال في أول سورة البقرة التي هي ثاني سورة في القرآن بعد الفاتحة. قال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. وصفه بأنه هدى للمتقين. وقال في أثناء هذه السورة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فوصفه الله في أول السورة بأنه هدى للمتقين، ووصفه في أثنائها بأنه هدى للناس، وهذا الوصف عام للمتقين وغير المتقين. Donc Allah il a qualifié le Coran par divers adjectifs et divers qualifications. Comme au début de Sourate Al-Baqarah, quand Allah il dit, voilà un livre dans lequel il n'y a pas de doute, dedans il y a une guidée pour Al-Muttaqim, c'est-à-dire pour les pieux. Et dans Sourate Al-Baqarah, il dit, le mois du Ramadan dans lequel a été descendu le Coran, qui est une guidée pour les gens et une démonstration, c'est-à-dire des versets clairs, de la guidée et de la distinction. Donc Allah il a qualifié le Coran au début de Sourate Al-Baqarah comme quoi il est une guidée pour les gens pieux, et au milieu de Sourate Al-Baqarah comme quoi il est une guidée pour tous les gens. Donc le Coran est une guidée pour les gens pieux et aussi pour tous les gens en général. Amma al-muttaqun, donc là il va expliquer comment, c'est-à-dire pourquoi dans certains versets il dit c'est une guidée pour les pieux et dans d'autres il dit c'est une guidée pour tout le monde. Amma al-muttaqun fa huwa hudan lahum bima'na annahum yantafi'un bihi. Donc, quant aux pieux, c'est une guidée pour eux parce qu'ils profitent de ce qu'il y a dedans et ils s'éclairent par sa lumière. Et en ce qui concerne les gens en général, c'est une guidée pour eux dans le sens où ils leur montrent le chemin de la droiture, s'ils veulent suivre le chemin de la droiture. Donc pour eux c'est une guidée de dalala. Dalala wal irshad, c'est-à-dire la guidée que toute personne elle possède. C'est-à-dire de montrer le droit chemin. Comme quand Allah il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim. Tu guides vers un droit chemin. Et l'autre sorte de guidée, c'est la guidée qui consiste à mettre la personne dans le droit chemin. Ça, personne ne possède, sauf Allah Azzawajal. Comme Allah il a dit dans l'autre verset, « Innaka la tahdi man ahbabt, walakin Allah yahdi man yasha. » Tu ne guides pas qui tu veux, mais Allah guide qui il veut. Donc il y a guidée et guidée. Il y a la guidée dans le sens montrer les choses, et la guidée dans le sens mettre la personne sur le droit chemin. Donc pour les croyants, le Coran c'est une guidée dans le sens qui les met sur le droit chemin. Et en ce qui concerne les gens en général, c'est une guidée dans le sens, c'est une démonstration. Ça leur montre le vrai du faux pour celui qui veut le faire. لأن الهداية على قسمين هداية توفيق وعمل وهذه خاصة للمؤمنين وهداية دلالة وإرشاد وهذه عامة لجميع الناس. Puisque la guidée elle est de deux sortes, une guidée de tawfiq, c'est-à-dire la réussite et le fait d'agir et d'appliquer, ça c'est pour les croyants, et la guidée qui est du fait de montrer, et ça elle est destinée à tout le monde. وقال سبحانه وتعالى في وصف هذا القرآن إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. Et dans un autre verset, il est dit à propos du Coran, certes ce Coran guide vers ce qu'il y a de plus droit, c'est-à-dire vers la voie droite, et il annonce aux croyants qui font les bonnes œuvres qu'ils auront une grande récompense, et que ceux qui ne croient pas à l'au-delà, nous leur avons préparé un châtiment douloureux. وصفه الله بأنه يهدي للتي هي أقوم يعني للطريقة التي هي أقوم الطرق وأعدلها الموصلة إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا أردت الوصول إلى الله عز وجل وإلى جنته فعليك أن تعمل بهذا القرآن الكريم لأنه يدلك ويهديك ويرشدك إلى الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. Donc Allah il a qualifié le Coran comme étant une guidée vers la voie la plus droite, la voie la plus juste qui mène à Allah Azza wa Jal. Donc si tu veux arriver à Allah Azza wa Jal et à son paradis, et tu te dois d'agir conformément à ce Coran, puisque c'est lui qui va te guider, qui va te montrer la voie qui mène à Allah Azza wa Jal. كما وصفه في آية أخرى بأنه روح ومن معاني الروح ما تحيا به القلوب وتحصل به الحياة المعنوية كالجسم إذا كان فيه روح يكون حيا وإذا خرجت منه الروح يكون ميتا قال سبحانه وتعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا والمقصود بالروح هنا القرآن الكريم الذي أوحاه الله إلى رسوله. Allah il a cité aussi le Coran et il l'a qualifié comme étant Ar-Ruh, c'est-à-dire, hein, entre guillemets, ils traduisent par l'esprit. Ar-Ruh, c'est-à-dire, c'est la chose qui, quand elle est dans le corps, c'est comme l'âme ou le souffle de la vie. Quand elle est dans le corps il est vivant, et quand le Ruh il part, le corps il est mort. Et Allah il a cité le Coran comme étant Ar-Ruh, c'est-à-dire c'est quelque chose par lequel, comme le Ruh du corps, il fait vivre le corps, et bien le Coran c'est un Ruh puisque lui il fait vivre le cœur. Donc dans le verset il dit c'est ainsi que nous t'avons révélé un ruh, c'est-à-dire un esprit de notre ordre, c'est-à-dire le Coran. هو روح للقلوب وروح القلوب أخص من روح الأبدان سماه الله روحا لأنه تحيا به القلوب فإذا خالط هذا القرآن بشاشة القلب فإنه يحيا ويستنير ويعرف ربه ويعبد الله على بصيرة ويخشاه ويتقيه ويخافه ويحبه ويجله ويعظمه لأن هذا القرآن روح تحرك القلوب كالروح التي تحرك الأبدان والأجساد. Donc il dit c'est un souffle de vie, ruh, pour les cœurs. Puisque quand ce Coran il se mélange au cœur, c'est-à-dire le cœur il va goûter à ce Coran, alors le cœur il va s'illuminer par ce Coran. Et il va connaître Allah Azza wa Jal, et la personne, donc elle va craindre Allah Azza wa Jal, elle va glorifier Allah Azza wa Jal. Donc c'est-à-dire c'est un souffle de vie qui fait bouger son cœur, comme le souffle de la vie du corps. Donc c'est-à-dire au même point que le ruh il fait vivre le corps, et bien le Coran lui il fait vivre le cœur. فَكَمَا أَنَّ الرُّوحَ إِذَا دَخَلَتِ الْأَبْدَانَ حَرَّكَتْهَا وَأَحْيَتْهَا كذلك القرآن إذا دخل القلوب فإنه يحييها ويحركها لخشية الله ومحبته. Donc comme l'esprit du corps, c'est-à-dire الروح, quand il rentre dans le corps, il le bouge et il le fait vivre, eh bien le Coran, quand il rentre dans le cœur, il le fait vivre et il le bouge pour qu'il craigne Allah et pour qu'il aime Allah. أما إذا خلت القلوب من القرآن فإنها تموت كما أن الجسم إذا خل من الروح فإنه يموت فهناك موتان وحياتان أما الموتان فهما موت الجسم وموت القلب وأما الحياتان فحياة الجسم وحياة القلب لأن حياة الجسم تحصل للمؤمن وللكافر والتقي والفاسق بل تحصل للإنسان والحيوان ليس فيها ميزة ليس فيها ميزة إنما الميزة في حياة القلب وهي لا تحصل إلا لعباد الله المؤمنين المتقين أما الكفار وأما البهائم فإنها فاقدة لحياة القلوب وإن كانت فيها حياة الأجسام وحياة الأبدان. Qui dit, comme le corps, donc il vit avec le ruh, et elle meurt avec le ruh, et bien pareil pour le cœur. Quand le cœur, il n'y a pas de Coran dedans, il meurt. Comme le corps, il meurt quand il n'y a pas de ruh dedans. Puisqu'il dit, il y a deux vies et il y a deux morts. Il y a la mort du corps et la mort du cœur, comme il y a la vie du corps et la vie du cœur. Donc en ce qui concerne la vie du corps et la mort, et la vie du corps et la mort du corps, ça c'est commun entre les croyants, les non-croyants, ceux qui désobéissent à Allah, ceux qui lui obéissent. Tous y vivent, et même les animaux y vivent, la vie du corps. Et ils meurent de la vie du corps. Quant à la vie du cœur, ça c'est que pour les croyants. C'est-à-dire que les koufars, ils vivent, leur corps y vit, mais leur cœur ils sont morts, alors que le croyant, son cœur y vit. أما المؤمن فإن فيه الحياتين حياة الجسم وحياة القلب والكافر فيه حياة الجسم وليس فيه حياة القلب. Donc le croyant, il y a les deux vies en lui, la vie du corps et la vie du cœur, alors que le non-musulman, il y a seulement la vie du corps, il n'y a pas la vie du cœur. الحاصل أن الله سمى القرآن روحا بمعنى أنه تحيا به القلوب وتبصر بنور الله بواسطته ويدل على نجاتها وحياتها ويعرفها بخالقها وربها وهاديها. Donc l'important c'est qu'Allah il a qualifié ce Coran comme étant ruh, c'est-à-dire qu'il fait vivre le cœur et il fait voir le cœur par la lumière d'Allah Azza wa Jal et il lui montre ce qui sauve ce cœur et ce qui donne la vie à ce cœur, il lui fait connaître son Dieu et celui qui le guide. وكذلك سمى الله هذا القرآن نورا والنور هو الذي يضيء الطريق أمام الإنسان ويبصر به ما أمامه من الحفر والأشواك ليتجنبها ويبصره بالطريق السليم فيمشي معه. Et aussi Allah il a qualifié le Coran comme étant une lumière, nour. Et nour c'est ce qui donne la lumière pour que tu vois ce qu'il y a devant toi et tu évites les trous, les épines, etc. Et que tu vois le bon chemin pour que tu marches dedans. Donc Allah il a cité le Coran comme étant une lumière. أما فاقد النور فيكون في ظلمة فلا يرى الحفراء ولا الأشواك ولا الأخطار لأنه لا يبصرها. Et celui qui n'a pas de lumière, eh ben celui-là il est dans les ténèbres et il ne voit ni les trous, ni les épines, ni les dangers, puisqu'il ne les voit pas, il n'a pas de lumière. ونحن نعرف النور الحسي مثل نور الشمس ونور السراج ونور المصباح وسائر الأنوار المخلوقة. هذا النور. نعرف كيف نسير به في الطرقات والأسواق والبيوت ونعرف عن طريقه ما يحتاج إلى تجنب وإلى احتياط. Il dit, nous connaissons la lumière concrète, c'est-à-dire la lumière matérielle, comme la lumière du soleil, la lumière des lampes, grâce auxquelles, c'est-à-dire toutes les lumières qu'Allah a créées, grâce auxquelles on peut marcher dans les chemins, dans les marchés, dans les maisons, et grâce auxquelles on connaît le chemin et on peut éviter ce qui est mauvais. لكن نور القرآن نور معنوي تبصر به ما ينفعك في دينك ودنياك يبين لك الحق من الباطل ويصف لك الطريق إلى الجنة فأنت تسير فيه على نور من الله. Mais le Coran lui c'est une lumière abstraite, c'est-à-dire c'est pas une lumière concrète, c'est une lumière, c'est une signification, c'est-à-dire c'est une lumière significative. C'est-à-dire que ce Coran il te fait voir ce qui t'est utile dans ta religion et dans ta vie d'ici-bas. Il te montre le vrai du faux et il te montre le bon chemin qui mène au paradis pour que tu ailles dedans avec une lumière d'Allah Azza wa Jal. قال الله تعالى يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. Donc dans Sourate An-Nisa, il est dit, ô vous les gens, il vous est venu une preuve de votre Dieu, et nous avons descendu vers vous une lumière évidente. Donc quant à ceux qui ont cru à Allah et s'y sont accrochés, il les fera entrer dans une miséricorde de lui, et dans une grâce, et il les guidera un chemin droit. Donc pour la parenthèse, c'est que Rab, moi je préfère le traduire par Dieu. Parce qu'en français, le Dieu, c'est celui qui a créé, c'est celui qui détient l'univers, etc. Donc c'est la signification de Rab. Alors que si on traduit par Seigneur, ça ne veut pas dire grand-chose. Parce que Rab, c'est celui qui a créé l'univers, qui détient l'univers. Donc ça, c'est, en français, c'est Wallahu A'lam. Je trouve le plus proche, le mot le plus proche, c'est le Dieu. فالقرآن نور معنوي تبصر به طريق الهدى من طريق الظلام تبصر به طريق الجنة من طريق النار تعرف به الضار والنافع تعرف به الخير والشر والقرآن نور يضيء للعالم يضيء للعالم طريق نجاتهم وطريق سعادتهم وطريق فلاحهم في الدنيا والآخرة. Donc le Coran, c'est une lumière abstraite par laquelle tu vois le chemin de la guidée du chemin des ténèbres. Et tu distingues le chemin du paradis du chemin de l'enfer. Tu distingues ce qui est bon de ce qui est mauvais, ce qui est utile de ce qui te nuit. Et donc c'est une lumière qui illumine le monde et qui leur montre le chemin de la réussite et le chemin du bonheur ici-bas et dans l'au-delà. كما وصفه الله بأنه فرقان. قال الله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. Et aussi Allah il a qualifié comme étant فرقان. C'est quelque chose qui distingue, qui discerne les choses. Comme Allah l'a dit dans Surat Al-Furqan, que soit élevé celui qui a descendu Al-Furqan, donc le discernement. Furqan bima'na annahu yufarriqu bayna al-haqqi wal-batili wa bayna al-huda wal-dalal. Fahuwa fariqun wa furqanun yumayyizu laka ayyuha al-muslimu ma yanfa'uka wa ma yadurruk. Wa ya'muruka bi fi'li al-khayr wa yanhaaka an fi'li al-shar. ويبصرك بما تحتاج إليه في دنياك وآخرتك فهو فرقان بمعنى أنه يفرق بين الحق والباطل. Donc c'est un discernement qui te montre le vrai du faux, la guidée de l'égarement, ce qui t'est utile de ce qui t'est nuisible, et il t'ordonne le bien et il t'interdit ce qui est mauvais pour toi, et il te montre tout ce dont tu as besoin ici-bas et dans l'au-delà. وهو هدى بمعنى أنه يهدي ويدل ويرشد إلى الطريق المستقيم وهو نور لأنه يضيء لك الطريق. Donc c'est une guidée puisqu'il guide et il te montre le droit chemin et c'est une lumière qui t'illumine le chemin. وهو حياة لأنه يحيي به القلب لأنه يحيى به القلب ويشفي ويحيى به إذا كان قلبا مريضا أو ميتا. Et c'est une vie puisque par le Coran le cœur vit et il guérit. Et il vit si c'était un cœur qui était malade ou qui est mort. C'est-à-dire que ce Coran, quand le cœur est malade ou il est mort, le Coran il le fait revivre. كما أنه سبحانه وتعالى وصف هذا القرآن بأنه شفاء. قال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. Donc dans ce verset, Allah il a qualifié le Coran en étant: il vous est venu une guidée pour ce qu'il y a dans les poitrines, une guérison. Donc Allah il a qualifié le Coran de shifa, c'est-à-dire une guérison. فهو شفاء من الأمراض الحسية والأمراض المعنوية. هو شفاء للأمراض الحسية بحيث إذا قرئ على المريض أو المصاب بالعين أو الذي مسه جني أو أي مرض فإنه يشفى بإذن الله إذا كانت هذه القراءة من قلب مؤمن واثق بالله سبحانه وتعالى. فإذا اجتمعت الثقة من القاري والمقروء عليه فإن الله يكتب الشفاء للمريض. Ce Coran donc il est une guérison pour les maladies concrètes et les maladies abstraites. Donc il est une guérison pour les maladies concrètes, c'est-à-dire les maladies corporelles. C'est-à-dire que si on le lit sur quelqu'un qui est touché par l'ayn, par le mauvais œil, ou alors qui a été touché par un djinn, ou par quelque maladie que ce soit, c'est-à-dire même les maladies qui n'ont pas de rapport avec les djinns ou la sorcellerie, alors il guérit par la permission d'Allah Azza wa Jal. À condition que la lecture elle soit faite par quelqu'un qui a un cœur de croyant et qui a confiance en Allah Azza wa Jal. Donc quand celui qui lit, il a confiance en Allah Azza wa Jal, et celui sur qui on lit, il a aussi confiance en Allah Azza wa Jal, eh bien Allah, il écrit la guérison pour le malade. Donc ça c'est important de le savoir, c'est que c'est pas seulement une guérison quand c'est un cas de sorcellerie ou de djinn, mais n'importe quelle maladie, même la plus banale, elle guérit aussi par le Coran. وهو أيضا شفاء من الأمراض المعنوية من أمراض الشكوك وأمراض الشبهات وأمراض الكفر والنفاق وهذه الأمراض أخطر من الأمراض الجسمية. فهو يشفي القلوب ويزيل عنها ما أصابها من هذه الأمراض كما أنه يشفي الأبدان مما يصيبها من الأمراض الحسية. Et aussi c'est une guérison contre les maladies abstraites, c'est-à-dire les maladies du cœur, comme les doutes ou les shubuhat, c'est-à-dire les ambiguïtés qu'une personne peut avoir dans son esprit, et les maladies de la mécréance et de l'hypocrisie. Et ces maladies, elles sont pires que les maladies du corps. Donc le Coran, il guérit toutes ces maladies et il enlève tous ces malheurs et toutes ces maladies, comme il guérit le corps. وأمراض القلوب أشد من أمراض الأبدان لأن أمراض الأبدان غاية ما تنتهي إليه الموت والموت حاصل ولا محالة قال تعالى كل نفس ذائقة الموت. Et les maladies du cœur, elles sont pires que les maladies du corps, parce qu'au pire la maladie du corps elle mène à la mort, alors que la mort, comme Allah a dit, toute âme va goûter la mort, de toute façon elle va arriver. Donc le pire qu'une maladie du corps elle puisse amener, c'est la mort. ولكن مرض القلب هو الخطير لأن مرض القلب إذا استمر به فإنه يموت بمعنى أنه يفسد نهائيا ويصبح صاحبه من الكافرين أو من الزائغين أو من الفاسقين. Donc, et la maladie du cœur, elle est pire, et c'est ça qui est dangereux, puisque la maladie du cœur, si elle continue, la personne elle meurt dans le sens où elle devient un mécréant ou quelqu'un de déviant ou un fasiq, c'est-à-dire un désobéissant à Allah Azza wa Jalla. فمرض القلب أشد خطرا على الإنسان من مرض البدن ولا شفاء له إلا بالقرآن الكريم الذي أنزله الله شفاء للناس. Donc la maladie du cœur elle est pire que la maladie du corps et elle n'a pas d'autre guérison que le Coran qu'Allah a descendu comme une guérison. قال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. Donc comme il est dit dans le verset, Nous descendons du Coran, ce dans quoi il y a une guérison et une miséricorde pour les croyants, et il n'augmente les injustes qu'en perdition. فجعله الله شفاء للمؤمنين وخصهم بذلك لأنهم هم الذين ينتفعون به ويهتدون به فيزيل عنهم ما في قلوبهم من الوساوس والشكوك والشبهات. Donc Allah il a bien spécifié que c'était une guérison seulement pour les croyants, puisque c'est eux qui en tirent profit, et c'est eux qui se guident par ce Coran. Donc il leur enlève de leur cœur les wasawis, c'est-à-dire les suggestions de Shaitan, et aussi les doutes et les ambiguïtés. وأما أهل النفاق وأهل الكفر وأهل الشرك فإنهم لا يستفيدون منه ما داموا على شركهم وعلى نفاقهم وكفرهم إلا إذا تابوا إلى الله سبحانه وتعالى. Alors que les hypocrites, les mécréants et les polythéistes, eux, ils n'en profitent pas tant qu'ils restent sur leur état, sauf s'ils reviennent à Allah Azza wa Jalla. Là seulement ils profiteront de la guérison du Coran. ذلكم هو القرآن الكريم وهذه بعض أوصافه وله أوصاف كثيرة ذكرها الله سبحانه وتعالى في مواضع متعددة ولكن ما موقفنا نحن المسلمين من هذا القرآن الكريم إنه يجب على المسلمين نحو هذا القرآن العظيم واجبات عظيمة ومسؤولية كبيرة سنتحدث عن أهمها. Donc il dit voici le Coran et voici quelques caractéristiques du Coran. Et il a encore d'autres caractéristiques qu'Allah a citées dans de nombreux endroits. Mais quelle est notre position à nous, musulmans, du Coran? Donc il dit, il est obligatoire aux musulmans, vis-à-vis du Coran, de respecter certaines choses et d'avoir une certaine responsabilité dont il va parler maintenant. Donc la première, il dit, أولاً يجب على المسلمين أن يتعلموا هذا القرآن ويتدارسوه ويدرسوه لأولادهم ولإخوانهم وأن يعتنوا بحفظه وإتقان أدائه. Donc premièrement, il est obligatoire aux musulmans d'apprendre ce Coran et de l'étudier entre eux et de l'enseigner à leurs enfants et à leurs frères et de donner de l'importance à sa mémorisation et au fait de bien savoir le répéter, le lire. لقول الرسول صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Pour le hadith où le prophète صلى الله عليه وسلم a dit dans le Bukhari, le meilleur d'entre vous c'est celui qui apprend le Coran et qui l'enseigne. أي تعلم القرآن في نفسه وأتقن تعلمه ثم يعلمه لغيره من إخوانه المسلمين لا يقتصر على نفسه بل يمد خيره ويمد نفعه إلى إخوانه وإلى أبناء المسلمين. Donc c'est-à-dire une personne qui a appris le Coran et qui l'a bien appris, c'est-à-dire elle a appris, on va pas dire, c'est-à-dire entre guillemets à la perfection, elle l'a bien appris comme il faut, ensuite elle l'apprend à autre qu'elle. Et elle fait profiter de son bien à ses frères et aux enfants des musulmans. فالمطلوب من المسلم أن يعتني بتعلم هذا القرآن ولا يكفي من الإنسان أن يتهجى القرآن تهجيا ما دام أنه متمكن من أن يتعلمه ويتقنه إتقانا صحيحا وينطق به على الوجه الصحيح ولا يكتفي بالتهجي وإن كان التهجي ومحاولة قراءة القرآن فيه خير كثير وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجرا ولكن هذا لمن لا يقدر إلا على ذلك فإنه يقرأ حسب استطاعته ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها دوك يجي Mais il suffit pas que le Coran, que le musulman il lise simplement le Coran sans savoir le lire. Il faut qu'il apprenne à le lire parfaitement, selon les règles, même si le fait d'essayer de le lire sans savoir le lire, c'est-à-dire sans connaître les règles et sans savoir bien prononcer, il y a un bien dedans quand même, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui lit le Coran avec difficulté, et c'est dur pour lui, celui-là il a deux récompenses. Mais ça, c'est pour celui qui n'arrive pas à faire autre chose. Il n'arrive pas à lire correctement et à apprendre. Donc celui-là, il lit selon ce qu'il peut faire, et Allah n'impose à une âme que ce qu'elle peut faire. وَلَا يَتْرُكُ الْمُسْلِمُ تِلَاوَةَ الْقُرْآنِ مَهَمَا قَدِرَ عَلَيْهَا وَلَكِنْ مَنْ كَانَ يَقْدِرُ وَيَجِدُ مَنْ يُعَلِّمُهُ وَيُرْشِدُهُ إِلَى الْقِرَاءَةِ الصَّحِيحَةِ فَإِنَّهُ يَجِبُ أَنْ يَتَعَلَّمَ الْقِرَاءَةَ عَلَى الْوَجْهِ الْمَطْلُوبِ وَلَا يَبْقَ عَلَى جَهْلِهِ بِالْقِرَاءَةِ الصَّحِيحَةِ Mais, donc, le musulman, il ne doit pas délaisser la lecture du Coran tant qu'il peut la faire. C'est-à-dire, même s'il ne sait pas bien lire, il faut qu'il lise. Mais celui qui trouve quelqu'un qui peut lui apprendre comment on lit correctement, alors celui-là, il lui est obligatoire d'apprendre la bonne lecture du Coran, comment on lit le Coran correctement, et il ne doit pas rester sur son ignorance. قال صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم il a dit dans un hadith, celui الماهر, c'est-à-dire celui qui lit bien le Coran, qui se distingue par le Coran, celui-là, il est avec les ambassadeurs nobles et pieux, c'est-à-dire les anges. Et celui qui lit le Coran avec difficulté et c'est dur pour lui, celui-là, il a deux récompenses. Donc là, il va expliquer le hadith, il dit « Al-mahiru al-maqsoudu bihi al-ladhi yujidu qira'at al-Qur'an ala al-wajh al-sahih hadha yakunu yawm al-qiyamati ma'a safarati al-kiram al-barara ay al-mala'ikati al-kiram summu safara jam'u safir li'annahum sufara'u bayna Allah wa bayna rusulih في تبليغ الوحي وتبليغ الرسالات فهم سفراء من الله عز وجل يرسلهم إلى عباده ويرسلهم إلى أنبيائه ورسله لتبليغ الرسالات Donc ماهر, c'est-à-dire qu'il lit le Coran correctement, comme c'est demandé, celui-là il sera au jour du jugement avec As-Safara. As-Safara, c'est-à-dire, c'est le pluriel de Safir qui veut dire ambassadeur. C'est-à-dire les anges qui sont les ambassadeurs, entre guillemets, les intermédiaires entre eux, Allah et ses prophètes, dans la transmission de la prophétie et la transmission de la révélation d'Allah Azzawajal. Kiramun barara, donc ils sont ces ambassadeurs, kiramun barara, et kiramun indallahi subhanahu wa ta'ala. Kiram, c'est-à-dire pluriel de karim, c'est-à-dire ils sont nobles, ils ont une position auprès d'Allah Azzawajal. Barara, jamu'u barrun, min al-bir, wa huwa fi'lu al-khayri, wa fi'lu al-ta'a. Barara, c'est-à-dire, c'est le pluriel de bar, c'est-à-dire quelqu'un qui obéit et qui fait le bien. Donc c'est ces trois adjectifs qui reviennent aux anges. Ambassadeurs, entre guillemets, ou intermédiaires, nobles et pieux. فَهَذَا يَا أَخِي الْمُسْلِمْ جَزَاءُ مَنْ يُتْقِنُ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَطْلُوبِ يَنَالُ هَذِي الْرِفْعَةَ الطَّيِّبَةِ فَاحْرِصْ عَلَى أَنْ تَكُونَ مَعَ الْكِرَامِ الْبَرَرَى وَالَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ فلا يترك قراءة القرآن فإنه يقرأ حسب استطاعته إلى أن يتمكن ويجد من يعلمه القراءة على الوجه الصحيح لا يكلف الله نفسا إلا وسعها Il dit donc, essaye aux frères musulmans de lire le Coran comme il faut pour avoir cette place, cette bonne place, cette élévation auprès d'Allah Azza wa Jal. Et pour être avec les nobles pieux, c'est-à-dire les anges. Et celui qui lit le Coran avec difficulté, et qui lit le Coran, et qui ne sait pas le lire comme il faut, avec celui-là, il doit continuer jusqu'à ce qu'il trouve quelqu'un qui puisse lui enseigner la lecture correcte. Et Allah n'impose à une âme que ce qu'elle peut. Thaniyan, فإذا تعلمنا القرآن وأجلنا النطق به وأجلنا أداءه فإن هذا لا يكفي بل يجب أن نتعاهد قراءته وتلاوته لأن تلاوته عبادة وفيها أجر كبير. Donc deuxièmement, si on sait lire le Coran correctement et le prononcer correctement, ça suffit pas, mais il faut le lire régulièrement, puisque la lecture du Coran c'est une adoration dans laquelle il y a une grande récompense. قال صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا في من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. Donc dans le hadith, le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: celui qui lit une lettre du livre d'Allah, il a une bonne action qui lui est inscrite, et chaque bonne action est multipliée par 10. Je ne dis pas Alif Lam Mim est une lettre, mais Alif est une lettre, Lam est une lettre et Mim est une lettre. C'est-à-dire celui qui lit Alif Lam Mim, il a 30 hasanat. وقال صلى الله عليه وسلم تعاهد هذا القرآن فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها. Il dit aussi dans un autre hadith: lisez régulièrement ce Coran, car par celui qui a l'âme de Mohammed dans sa main, il part plus vite qu'un, il se détache plus vite, entre guillemets, qu'un chameau de son lien, de son attache. C'est-à-dire, il s'en va facilement de la mémoire de la personne. والمقصود أكثر من تلاوة هذا القرآن فالإنسان إذا غفل عن القرآن ومضى عليه مدة وهو لم يتلو يصاب قلبه بالإعراض والغفلة والقسوة. أما إذا أكثر من تلاوته فإنه يحيى قلبه ويجلي ذاكرته. Donc il dit, ce qui est voulu dans ce hadith, c'est de lire beaucoup le Coran, puisque l'être humain qui est insouciant vis-à-vis du Coran et qui passe une longue période sans lire le Coran, celui-là, son cœur, il sera touché par al-i'rad, c'est-à-dire le fait de se détourner, et al-rafla. Al-rafla, c'est le fait d'être insouciant vis-à-vis du jour du jugement et de l'au-delà, et al-qaswa. Al-qaswa, c'est-à-dire le fait d'être dur et d'avoir un cœur dur. Alors que celui qui le lit beaucoup, son cœur, il va vivre, wa yuzli dhakaratahu, c'est-à-dire aussi sa mémoire. C'est-à-dire cette personne, elle va beaucoup se rappeler et son cœur, il sera vif. Donc c'est comme on parlait quand on parlait de la vie du cœur et la mort du cœur. ولهذا ينبغي للمسلم أن لا يمر عليه شهر على الأقل إلا وقد قرأ القرآن كله. هذا هو الحد الأخير. وإن قرأه فيما هو أقل من ذلك في كل عشرة أيام مرة بحيث يختمه في الشهر ثلاث مرات فهذا أحسن. وإذا قرأه في كل سبعة أيام مرة فهذا أحسن. وإذا قرأه في كل ثلاثة أيام مرة فهذا أحسن. فإنه كلما زاد في تلاوة القرآن زاد أجره واستنارت بصيرته وحياة قلبه. Donc il dit, il convient aux musulmans qu'ils ne passent pas un mois au minimum sans avoir lu le Coran au complet. Il dit ça, c'est la limite. Si Cheikh nous voyait, nous. Donc il dit ça, c'est la limite de lire le Coran une fois par mois. Pour nous, ça, c'est le record, lire le Coran une fois par mois. Il dit, ça c'est le minimum. Il dit, et s'il peut passer le lire tous les 10 jours, c'est-à-dire que dans le mois il le finit 3 fois, il sait mieux. Et s'il le lit tous les 7 jours, c'est mieux. Et s'il le lit tous les 3 jours, c'est mieux. Donc il dit, et plus il le lit, et mieux c'est, puisque sa récompense elle augmente. Et, وَاسْتَنَارَتْ بَصِيرَتُهُ, c'est-à-dire la lumière par laquelle il voit, elle augmentera. Et la vie de son cœur aussi, elle augmentera. Mais ça, c'est-à-dire, Cheikh va en parler après, il faut pas se... Parce que nous, c'est-à-dire, bien sûr, Cheikh, alhamdoulilah, il parle dans un pays musulman où les gens, ils ont des cœurs à peu près vivants. Alors que nous, on est dans un milieu où on a des cœurs à peu près tous avec des béquilles, on va dire. Nos cœurs, ils ont des béquilles. Donc quand on entend ce genre de paroles, ça doit nous motiver, mais ça doit pas nous désespérer. C'est-à-dire que beaucoup, peut-être, ils lisent pas le Coran une fois par mois. Il faut pas essayer tout de suite, tu passes de 0 à une fois par mois. Parce que, c'est-à-dire, pour le lire une fois par mois, c'est quand même 2 hizb par jour. C'est-à-dire, il faut que tu passes à peu près 3 quarts d'heure. Peut-être toi tu travailles, peut-être tu as des occupations, des enfants. Et si tu passes de rien, et là tu as entendu la muhadara, la conférence, alors tu veux tout de suite passer à 2 hizb, je te donne 2 mois pour que tu arrêtes et tu reviennes à rien du tout. Et il y a beaucoup de hadiths, ils disent que, c'est-à-dire, khayrul a'mali, ma qalla, ou non, je ne sais plus le hadith. C'est-à-dire, les meilleures actions sont les actions qui durent, même si elles sont peu nombreuses. C'est-à-dire, il vaut mieux commencer. Tu lis même 1 page par jour, admettons, ou 2 pages, mais au moins tu continues à les lire et petit à petit tu augmentes. Donc c'est pas parce que tu as entendu ça maintenant que tout de suite tu dis je vais lire 2 hizb, mais dans 6 mois on se revoit et tu me dis je suis à 0. Il faut faire ce qu'on peut, c'est-à-dire, puisque nous notre situation elle est beaucoup plus loin que ce que par exemple Cheikh Salih Al-Fawzan il pourrait s'imaginer quand il dit cette muhadara, il dit une fois par mois c'est le minimum, alors que pour beaucoup d'entre nous une fois par mois c'est le record. Et aussi on va voir après que ce qui est voulu c'est pas la quantité, ce qui est voulu c'est de le lire et de l'apprendre et de le méditer et pas simplement lire pour la vitesse ou pour le record de page. Donc il dit wa tilawatul qur'ani muyassaratun sawa'an kanat tilawatun mujarrada 'an as-salah bi an yatlu al-insanu al-qur'ana wa huwa jalisun aw raakibun aw muttaji' متوضئا أو غير متوضئ من غير مس للمصحف في حالة عدم الوضوء أما من عليه حدث أكبر فلا يقرأ القرآن حتى يغتسل ويتلوه في الصلاة وهذا أفضل أو يتلوه في قيام في الليل أو التهجد قال الله سبحانه وتعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا فالذي يتلو القرآن في صلاة الليل أفضل من الذي يتلو القرآن وهو جالس أو في النهار وإن كانت قراءة القرآن في أي وقت عبادة عظيمة لكنها تتفاضل وتتفاوت بحسب الأوقات والأحوال. Donc il dit Cheikh, en tous les cas la lecture du Coran elle est simplifiée pour les êtres humains. Il dit que ce soit une lecture qui est accompagnée de salat ou une lecture sans salat, c'est-à-dire peut-être la personne elle est assise ou elle est dans son véhicule, ou alors elle a ses ablutions, ou elle n'a pas ses ablutions, mais si elle n'a pas ses ablutions, elle lit le Coran sans toucher le Coran. Il dit donc, c'est-à-dire qu'il peut le lire dans tous les cas, sauf que s'il n'a pas ses ablutions, il le lit sans toucher le mushaf, sans toucher le livre qui porte le Coran. Donc là, il n'a pas cité les arguments, mais notamment par rapport à, il y a parmi 4 des compagnons du prophète, Omar, Abdullah ibn Omar, Aïcha et Salman, qui disait cette fatwa, c'est-à-dire qu'il est interdit de toucher le Coran, le mushaf, sans avoir les ablutions. Donc ils ont expliqué le verset du Coran sans qu'un autre des compagnons les contredise. Et celui qui a le hadath al-akbar, c'est-à-dire qui est en état de janaba, celui-là il n'a même pas le droit de lire, même s'il ne touche pas le mushaf. Donc il y a 3 étapes. Celui qui a le wudu, donc lui il peut lire et toucher le mushaf. Celui qui n'a pas le wudu, lui il peut lire, c'est-à-dire de mémoire, ou si le mushaf il est devant lui, mais il ne touche pas le mushaf. Et celui qui est en état de janaba, lui, ni il touche le mushaf, ni il lit. Selon si on regarde c'est-à-dire l'opinion de la majorité des ulama et les fatawas des compagnons du prophète. Donc il dit, et celui qui lit dans la salat, ça c'est meilleur que de lire en dehors de la salat, et le mieux c'est encore de lire la nuit. Comme Allah, il a cité des versets qui parlent de la prière de la nuit. C'est-à-dire que le mieux, c'est de prier, de lire en prière pendant la nuit. Et de toute façon, la lecture du Coran, même pendant le jour, ou à quel moment que ce soit, et même si c'est pas en salat, ça reste une grande adoration. Mais certaines lectures du Coran sont plus méritables que d'autres selon les moments. C'est-à-dire la lecture de la nuit, elle est mieux que la lecture du jour. La lecture en salat, elle est mieux que la lecture comme ça, assis. Et la lecture avec le wudu, c'est mieux que la lecture sans l'eau. C'est pour, je parle de la lecture comme ça, récitée, pas de toucher le Coran. Fallavi, donc on disait, wa kullama akfara al-insan min tilawati al-Qur'an fi salati al-farida fi ar-rak'atayn al-ulayayn min ar-ruba'iyya wa ath-thulathiyya aw fi salati al-fajr, fa innahu kullama atala fa inna dhalika afdal. Wa lidhalika samma Allahu al-Qur'an salatan. Qala Allahu ta'ala, wa la tajhar bi salatika wa la tukhafid biha. والمقصود لا تجهل بالقرآن في صلاتك ولا تخافت به كما أن الله سمى الصلاة قرآنا كما في قوله تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. Et il dit, plus la personne lit le Coran, dans sa prière obligatoire, comme dans les deux premières raka'a et dans les ou des prières à trois ou à quatre raka'a, ou alors dans les dans la prière du fajr, c'est-à-dire dans les prières où on lit après, dans les raka'a où on lit après la fatiha, on lit encore d'autres versets, plus il allonge la lecture et mieux c'est. Bien sûr, ça c'est, on connaît dans le fiqh, à condition que ce ne soit pas un problème ou une difficulté pour les gens qui sont derrière. Parce que peut-être il fait imam, mais les gens derrière, peut-être qu'ils ont, ils ont des occupations, ou peut-être il y a des bébés qui ont besoin de leur mère, etc. Comme dans le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour vous montrer, c'est-à-dire sa clémence, il avait, il disait, je voulais rallonger la prière, mais j'ai entendu un bébé pleurer, j'ai pensé à sa mère, c'est-à-dire sa mère qui devait souffrir de prier alors que le bébé il pleure, et j'ai abrégé la lecture. Mais sinon, en tant que telle, la lecture, plus elle est longue, et mieux c'est. Et Allah, il a cité le Coran, il a appelé le Coran salat, quand il a dit dans le Coran, dans le Coran, n'élève pas ta voix dans ta salat, et ne la rabaisse pas. C'est-à-dire, il faut lire de façon au juste milieu, c'est-à-dire dans ta lecture du Coran. Et aussi dans un autre verset, Allah, il a dit « Wa Qur'an al-Fajr » et la lecture du Fajr. Et la lecture du Fajr est à des témoins, c'est-à-dire à des anges. La lecture du Fajr, c'est-à-dire « Qur'an al-Fajr », c'est-à-dire la prière. Il a appelé la prière « Qur'an » puisque dedans il y a la lecture. « Fasamma salat al-Fajr Qur'an li'annaha tatoulu fiha al-qira'atu akthara min ghayriha » Donc il a appelé la prière du Fajr « Qur'an » puisque dans la prière du Fajr, la lecture du Coran est plus longue que dans les autres prières. الحاصل من هذا كله أن الله سبحانه وتعالى يطلب منا ويأمرنا أن نقرأ القرآن وأن نكثر من تلاوة القرآن في صلاتنا الفريضة والنافلة وفي بقية أحوالنا سواء كنا جالسين أو راكبين أو مضطجعين. Donc l'important dans tout ça, c'est qu'Allah nous a demandé et nous ordonne de lire le Coran et de lire le Coran le plus possible, c'est-à-dire de beaucoup lire le Coran dans notre prière obligatoire, notre prière non obligatoire et dans toutes nos situations, qu'on soit assis, qu'on soit dans un véhicule ou même qu'on soit allongé sur le côté. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن على غالب أحواله ولم يكن يمنعه من تلاوة القرآن إلا الجنابة. Et le prophète صلى الله عليه وسلم il lisait le Coran dans toutes ses situations et il n'y a que, comme dans le hadith de Ali, l'état de janaba qui empêchait le prophète de lire le Coran. Sinon, il lisait le Coran, comme elle a dit Aïcha, que le prophète y mentionnait Allah dans toutes les situations. Et parmi la mention d'Allah, il y a le Coran. وكذلك لا يجوز قراءة القرآن في حالة الحيض للمرأة والنفاس لأن هذا حدث أكبر يمنعها من تلاوة القرآن إلا عند الضرورة. Donc il dit de même, il est interdit à la femme qui a ses règles ou qui est en état de nifesse, c'est-à-dire qu'il y a du sang qui sort après la grossesse, après l'accouchement, il lui interdit de lire le Coran puisqu'elle a un hadath akbar, c'est-à-dire l'équivalent de un janaba, sauf par contrainte. ولا يجوز قراءة القرآن في الأمكنة النجسة والقادرة كالحمام. Et il est interdit de lire le Coran dans les endroits sales ou impurs comme Al-Hammam. Al-Hammam, c'est-à-dire les endroits où il y a les bains publics, où on se douche, etc. أما الأماكن النظيفة والأماكن الشريفة الطاهرة المناسبة فينبغي للإنسان أن يقرأ القرآن كلما تمكن من ذلك سواء قرأه عن ظهر قلب أو قرأه من المصحف ليكون له حظ من أجر التوالة التي أخبر عنها صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف وفي الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. Il dit donc, en ce qui concerne les endroits purs, les endroits propres, les endroits qui conviennent, alors l'être humain, il lui convient de lire le Coran tant qu'il le peut. Que ce soit une lecture par cœur ou que ce soit une lecture à partir du mushaf, pour qu'il ait le mérite de la lecture dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé dans le hadith quand il a dit le fait de lire une lettre du Coran donne 10 hasanat. Et dans un autre hadith, il dit, il n'y a pas des gens qui se regroupent dans une maison parmi les maisons d'Allah, qui récitent le livre d'Allah et qui l'étudient entre eux, sans que ne descende sur eux la sérénité, que les enveloppe la miséricorde et que les entoure les anges, et qu'Allah les mentionne auprès de lui. On a combien de temps là ? Un chronomètre. مدحهم الله وكذلك قوله سبحانه وتعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم الله ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. Dans le verset ici de sourate Fatir, il est dit: ceux qui récitent le livre d'Allah et qui accomplissent la salat et dépensent de ce que nous leur avons donné en cachet et en public, cela espère une récompense qui ne s'épuisera pas, pour qu'Allah leur donne pleinement leur récompense et leur rajoute de sa miséricorde, car c'est lui Al-Ghafur Al-Shakur, c'est-à-dire celui qui pardonne et celui qui est reconnaissant. مدحهم الله على هذه الصفات وأولها أنهم يتلون كتاب الله عز وجل. Donc Allah, il a vanté ses croyants par des caractéristiques dont la première est d'avoir dit qu'ils récitent le livre d'Allah. بمعنى أنهم يقرؤونه ويكثرون من قراءته طلبا للأجر والثواب واحتسابا لوعد الله سبحانه وتعالى ثم يعملون به فيقيمون الصلاة وينفقون مما رزقهم الله سرا وعلانية رجاء ثوابه. C'est-à-dire qu'ils le lisent et ils le lisent beaucoup en espérant la récompense d'Allah Azza wa Jal, et ils agissent conformément au Coran, donc ils accomplissent la prière et dépensent de ce qu'Allah leur a donné en cachet et en public en espérant sa récompense. On va s'arrêter là, inshallah. Donc après le troisième point, on continuera après le Maghreb. Il dit, après c'est dans l'apprentissage du Coran et aussi le fait d'agir conformément au Coran, et surtout il faut rester jusqu'à la fin, parce qu'à la fin il y a quelques questions relatives au sujet. Donc on continuera après le Maghreb, inshallah. أسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يتلون كتاب الله عز وجل ويقيمون الصلاة وينفقون مما رزقهم الله آمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه